Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 20 juillet 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h02 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone et toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guémozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Sam-Franck Blunier qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteur, de musicien et de son EP 7 titres intitulé Mystique Senior entre autres. Donc bonjour Sam-Franck. Oui, bonjour Chris, bonjour à toutes et tous. Merci de prendre la peine de m'avoir appelé. Avec vous plaisir. M'entendez? Bah ouais, je vous entends bien. Ok, super. Parfait. Comment ça va? Bah, ça va bien. Le beau temps est enfin revenu à Lausanne comme dans le nord de la France. Et donc on est content, quoi. On avait un peu marre de la pluie, hein. C'est quand même top, quoi. C'est vrai. Il fait beau, comme la chanson éponyme, tout est mieux, tout est beau, quoi. C'est vrai. Ouais. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis un chanteur franco-suisse. J'ai démarré ma carrière dans les années 80, au milieu des années 80. Et j'étais le premier suisse, chanteur suisse, étiqueté comme tel, à aller chanter au Printemps de Bourges grâce à Bernard Batson. C'était en 85, exactement. Et après, beaucoup d'aventures, beaucoup d'albums, beaucoup de LP, et puis après un grand ras-le-bol de la musique, donc une espèce de calme plat d'à peu près 10-15 ans. Et tout d'un coup, on a décidé en 2013 de remettre un projet super ambitieux sur les rails qui s'appelle The Five Album Concept, où on est en train de décliner une série de 5 albums qui comportent chaque 7 ou 8 titres enregistrés, donc des chansons, et avec à côté des électro-poèmes. Voilà, c'est ça un peu le projet, j'imagine, dont on va parler aujourd'hui. Et le dernier opus en date s'intitule Mystique Senior. D'accord. Et donc déjà, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme d'habitude désormais, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact, et donc sans elle, l'émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci. Exactement. Géraldine. Donc c'est Géraldine, si tu nous entends via le web, depuis Perpignan, un grand coup de chapeau, et puis on te salue, on te fait la bise. Voilà. Donc avant de parler de votre carrière et de votre CD, 7 titres à proprement dit, quel a été votre parcours personnel? Est-ce que vous avez fait des études musicales ou est-ce que vous ne vous êtes dirigé vers la musique que plus tard? Alors j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était institutrice et qui elle-même avait fait un peu de violon, mais elle n'enseignait pas le violon. Mais elle faisait un peu de violon, elle était institutrice et puis elle voulait que son fils, ses enfants jouent des instruments. Et du coup, assez tôt, à l'âge de vers 6-7 ans déjà, elle m'avait inscrit à des cours de piano qui étaient un pur cauchemar, où j'avais évidemment qu'une envie d'y aller, je jouais tout d'oreille, et ça a duré à peu près jusqu'aux premières révoltes pré-adolescentes, juste vers 12 ans, 13 ans, j'ai suivi à peu près 5 ans de cours de piano. On a tenté en vain de m'apprendre à lire les notes et malheureusement c'est jamais rentré parce que je suis plutôt un poète et pas un mathématicien et vous savez que la musique et les notes c'est plutôt des maths et moi j'y comprenais rien. En revanche j'ai la chance d'être doté d'une bonne oreille, donc du coup quand la prof me montrait des trucs je faisais semblant de lire la partition, j'y voyais rien du tout, un peu de noir, un peu de blanche, c'est tout, mais je jouais tout d'oreille. Donc c'est comme ça qu'un peu tout a commencé et puis après j'ai fait mon premier groupe de rock, j'avais 13 ans. D'accord, ok. Et donc, comment décririez-vous votre style de musique, du coup, actuellement? Alors, je pense que pour cet album, surtout, alors Mystique Senior est peut-être un peu plus du côté, donc le troisième opus de la série est plutôt un peu plus peut-être du côté de la chanson française, de la scène française actuelle. Le premier album de la série qui s'appelle Il fait beau est vraiment, j'ai de la peine à décrire parce que je pense que ça ressemble pas à grand chose. C'est des influences très rock, mais en même temps très électro avec des gros bass drums, des grosses caisses, des trucs qui cognent bien. Et toujours ma voix en français parce que ça c'est une ligne que j'ai depuis le début. J'ai toujours souhaité chanter en français. J'adore le français, la littérature française, les écrivains, les écrivaines françaises. Donc je suis vraiment très focus sur le français. C'est assez paradoxal parce que dans une toute petite région en Suisse où j'habite à Lausanne, dans une toute petite région de près de 1 500 000 habitants qui parlent français. Et du coup, on est un peu écrasé par les influences anglophones, allemandes ou suisse-alémaniques. Donc les gens, quand ils se lancent, les plus jeunes que moi, quand ils se lancent dans la musique, ils se lancent et d'abord ils chantent en anglais. Et moi, je trouve ça dommage. Et de facto, je me suis rapproché, bien sûr, de la France, qui est mon pays de cœur, puisque j'ai la chance d'avoir deux passeports. Je suis né à côté de Lausanne, mais j'ai la chance d'avoir et le passeport français et le passeport suisse, donc voilà. D'accord, et donc ce CD Mystic Senior, vous diriez plutôt que c'est un EP, un LP, un mini-album, vous appelez ça comment, vous? Alors je pense que c'est un album à part entière, hein. Il y a quand même 7 titres donc enregistrés en studio correctement et tout. Et puis, alors c'est vrai qu'au niveau des électropoèmes, dans le troisième album, on n'a malheureusement pas la musique, on a que les textes, parce qu'il y a eu un bug lors du gravage du CD. Mais sur les deux albums précédents, on a quand même des albums à 13-14 titres, mais disons toujours bien séparés entre électropoèmes et des chansons plus traditionnelles, dans le sens couplet-refrain, c'est-à-dire plus construites. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un électropoème ? C'est en fait une impro sur des beats électro-aléatoires générés par des machines, c'est ça. Et en fait, on se donne avec mes amis musiciens, que je salue au passage, on se donne qu'un seul jet pour réussir à mettre en boîte la chose. Si la voix est pas bien, ou si quelqu'un a fait une mauvaise note, ou que la machine est partie avec une boucle qui nous plaisait pas, on en fait un autre. C'est très instinctif comme manière de travailler. Et ça marche assez bien. Je sais qu'en Belgique, par exemple, quand on a lancé les deux premiers albums, ils aimaient bien ces électro-poèmes, quoi. C'était assez... Donc ça ressemble à rien, parce que c'est pas du rap, c'est pas du slam, c'est du texte parlé, mais pas chanté, et de l'électro et des boucles électro derrière. Ça, c'est pour les électro-poèmes. Les chansons, peut-être qu'on va en écouter une ou deux, c'est plus traditionnel dans le sens couplet-refrain, mais honnêtement, je pense que ça ressemble pas à grand chose, quoi. D'accord. Et donc, cet album Mystic Senior, quand est-ce qu'il est sorti ? Alors, l'album Mystic Senior, le single des questions est sorti en septembre 2019, octobre 2019, par là autour. Très vite, il a assez bien fonctionné. L'album a été lancé, était dans tous les magasins à la mi-février 2020. On a juste eu le temps de faire deux concerts en Suisse et deux concerts à Paris les 5 et 6 mars. Et le 13 mars, c'était le lockdown pour tout le monde. Et puis on est rentré dans ce long cauchemar qu'on connaît tous, et dont on a malheureusement trop parlé. Mais c'est vrai que c'était très compliqué pour nous parce qu'on avait la chance d'avoir ce disque Mystic Senior. Bon, on n'était pas les seuls, hein. Il y avait Violet, il y avait Jean-Louis Aubert qui sortait un album. On était dans les bacs avec les nouveautés, nouvelles scènes françaises, et tout s'est arrêté, quoi, parce que une fois que c'était gelé par des mois et des mois de Covid et de magasins fermés, vous imaginez bien que la nouveauté n'en est plus une et que l'album, il a un peu, malheureusement, été un peu fusillé debout. Bien sûr. Et donc, en préparant cette émission, j'ai écouté cet album, donc Mystic Senior. Et pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement, pourquoi ce titre de Mystic Senior, titre qui est, je pense qu'on peut le dire, anglo-espagnol, Mystic pour... Alors c'était un titre en fait qui fait référence à ma... Je voulais faire un album, ça fait très longtemps que j'avais ça dans la tête. En plus, il s'inscrivait dans cette série de 5 album concept. Hein. Les gens peuvent trouver sous mon nom, Sam-Franck Blunier, 5albumconcept.com. Ils peuvent trouver les albums alignés. Il y a tout un concept graphique qui se suit, etc. Pourquoi ce nom, Mystic Senior? Parce qu'en fait, je voulais donner à cet album une certaine verticalité. Je voulais m'affranchir et être tout à fait authentique vis-à-vis de moi-même par rapport à mes convictions, par rapport à mon rapport à l'au-delà, à Dieu, au plus grand que nous. Et ça fait longtemps que je voulais assumer un album comme ça. C'est un album qui parle de paix, de réconciliation, si on pense à la chanson « Rien ne s'oppose ». Des questions, ben, comme son nom l'indique, c'est une chanson sur le questionnement qu'on se pose tous. Et Dieu sait si, avec le Covid, ça a fait écho à cette chanson. D'ailleurs, elle a très, très bien marché. Et puis, il y a une chanson qui s'intitule, qui a aussi pas mal marché sur YouTube, qui s'appelle « Le Verbe ». Avec V majuscule, donc le verbe un peu au commencement était la parole, enfin, on est un peu dans carrément presque dans l'évangile de Jean. Donc c'est un peu toute cette verticalité que je voulais exprimer aux choses, à Dieu simplement, puis aux choses qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous, et c'était dans ce sens-là que j'ai fait cet album. D'accord. Donc justement, il est 14h12. Avant d'approfondir le sujet, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de votre album Mystique Senior, et que nous écoutions justement le morceau intitulé « Rien ne s'oppose ». C'est d'ailleurs le premier morceau de l'album, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà. C'est celui qui donne un peu la tonalité, en tout cas au niveau des textes de l'album. Est-ce que nous avons le droit à tout hasard à un clip sur Internet de cette chanson ? Alors, sur Internet, il n'y a pas de clip sur Rien ne s'oppose. Il y a des clips sur des questions, points liés et le verbe. D'accord. Donc, du coup, on écoute Rien ne s'oppose et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Guémozo. La nuit laisse la place au jour, la joie s'invite dans la cour. Ceux qui fuyaient seront bientôt tous de retour. Et rien ne s'oppose à l'amour, plus rien ne s'oppose à l'amour. Le soleil brille dans les tours, tu vois, il tourne toujours. L'envie laisse la place pour la tendresse qui me fuyait toujours. Tes larmes ont séché, et puis tu sais maintenant pardonner. Et rien ne s'oppose à l'amour, plus rien ne s'oppose à l'amour. Les couleurs chaudes sont de retour, l'automne m'étonnera toujours. Et tout reprendra forme un jour, reprend sa place pour refaire le monde, rêver encore ce monde. Mais rien ne s'oppose à l'amour, plus rien ne s'oppose à l'amour. Ils peuvent balancer du lourd, tu te sens plus léger chaque jour. Et tout reprendra forme un jour, tout reprend sa place pour refaire le monde, rêver encore ce monde. Mais rien ne s'oppose à l'amour, plus rien ne s'oppose à l'amour. Ils peuvent balancer du lourd, tu te sens plus léger chaque jour. Car rien ne s'oppose à l'amour, plus rien ne s'oppose à l'amour. Ceux qui fuyaient seront bientôt tous de retour. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio, et même désormais sur notre nouveau site internet https://radioguemozo.radio-website.com/partout-en-France. Il est 14h presque 16, bien sûr, nous sommes toujours en direct, et vous venez d'écouter Sam Franck Blunier avec son morceau « Rien ne s'oppose », tiré de son album intitulé « Mystique Senior ». Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail, sur la route ou pourquoi pas sur votre lieu de vacances sous ce beau soleil. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Sam Franck Blunier, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de cet album. Ça va toujours ? Oui, je suis là. Parfait. Donc avant de reprendre cette émission, y a-t-il quelque chose en particulier que vous souhaitez raconter à travers ce morceau « Rien ne s'oppose » ? Alors ce morceau « Rien ne s'oppose », c'est un morceau sur le pardon, c'est un morceau qui m'est inspiré aussi quand tous ces flots de réfugiés qu'on voyait venir de Syrie, du Kurdistan irakien, etc., qui étaient chassés par les fous sanglants de Daesh. En fait, ce morceau, il m'a été inspiré en me disant qu'un jour, en fait, quand on suit l'infinie lueur qui nous habite et que l'on cherche finalement, à laquelle on cherche à se reconnecter toute sa vie, en fait, un jour, tous ces fugitifs, tous ces gens, ils seront de retour et ils pourront à nouveau trouver la paix. Et je trouvais que c'était une image qui collait aussi à chacun d'entre nous, parce que nous aussi, on passe par des hauts et des bas à travers cette existence. Et quand tout d'un coup, on aperçoit le soleil comme le soleil après la pluie ou des déchirures dans les nuages, on se dit, bah voilà, on l'a fait, we did it, on a traversé on a traversé l'enfer, on a traversé les épreuves, on a traversé ce qui avait peut-être pour chacun en fonction de sa perception et de sa personnalité, ce qui avait peut-être de plus dur pour soi-même. Et puis, on arrive vers quelque chose de mieux, de plus lumineux. Donc, le soleil brille dans les tours, tu vois, il tourne toujours. Il y a aussi un côté, c'est des paroles de l'album, mais je veux dire de la chanson, mais il y a aussi un côté, très, très rédemptoire. Ouais, un côté comme ça, je pense que le pardon et l'amour conduisent à tout. Comme pourrait dire l'expression, par exemple, après la pluie vient le beau temps. Complètement. D'accord. Complètement. Mais c'est évidemment difficile de s'imaginer le beau temps quand on traverse les affres de l'existence et qu'on est dans des trous qui nous paraissent quelquefois sans fond. Et c'est vrai que c'est compliqué de nous imaginer la déchirure avec la lumière au bout, mais elle est là. Elle est là pour chacun de nous à un moment ou à un autre. D'accord. En faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que vous n'êtes pas seulement chanteur. En effet, vous êtes poète, musicien, acteur et auteur. Ça reste toujours dans le domaine artistique. Et j'ai également vu que vous êtes le porteur de différentes sensations, comme celui d'esprit libre et sensible, pour que la poésie fasse son œuvre. Est-ce vraiment tout cela que vous souhaitez transmettre à travers vos morceaux ? Alors, complètement, je pense que la poésie, la poésie contemporaine, je pense qu'elle est une fibre de vie. Malheureusement, les gens n'en lisent pas assez, et puis elle est peut-être trop confidentielle sur les étals des libraires, ou c'est pas un truc qui marche, la poésie. Alors après, il y a diverses formes de poésie, hein. Je parlais du slam tout à l'heure, c'en est une. Les rappeurs, il y a des poètes magnifiques parmi les rappeurs qui font des trucs incroyables, ça marche un peu mieux. Mais disons, la poésie écrite au sens large, les mots qui nous habitent, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous différencie de notre animalité, c'est ce qui nous différencie de la folie guerrière et destructrice qui peut habiter l'être humain. Et voilà, et ça rejoint la chanson Le Verbe, dont je parlais tout à l'heure, où d'ailleurs je mets en exergue dans l'album, le verbe est plus important que nous, c'est plus important que tout. Je veux dire, c'est à la fois le verbe, V majuscule, ce qui est plus grand que nous, Dieu, la lumière, ce qu'on recherche chacun au fond de nous, et puis c'est aussi le verbe de la poésie, parce que la poésie, elle nous renvoie à quelque chose de plus grand que nous, elle nous grandit en tant qu'être humain. Elle nous fait voir les choses sous un autre angle, elle nous fait voir les choses avec plus de douceur, avec une perception plus sensible. Et c'est tellement ça qui manque, je veux dire, dans notre monde qui est devenu tellement dur, quoi, tellement compliqué. Le monde professionnel est dur, le monde de la famille, pour les familles monoparentales, où les gens chez qui il y a des désaccords à la maison, le monde de la famille est dur, c'est pas facile. Et puis malheureusement, on est dans une société assez bisounours, enfin qui fait semblant de l'être en tout cas, où tout est mieux dans le meilleur du monde, tout est parfait, comme sur une publicité. Mais en fait, le monde qu'on traverse, c'est malheureusement pas une publicité, mais c'est à nous de le changer. C'est comme pour le climat, comme pour plein d'autres choses, c'est à nous de faire l'effort. Ça nous tombera pas dessus tout cuit. Et donc cette poésie qui habite chacun d'entre nous, il suffit de gratter un peu le vernis sur notre cœur pour que ça jaillisse en pleine lumière comme une source. Cette poésie, elle est salvatrice, elle est capitale. Justement, nous écouterons la chanson, enfin votre titre, Le Verbe, un peu plus tard dans cette émission. Et j'ai également eu l'occasion de lire, pareil, en préparant cette émission, que vous êtes un éternel défenseur de la langue française. Expliquez-nous un petit peu ce principe de défenseur de la langue française, de la chanson française plutôt? Alors ouais, alors parce que beaucoup, bah, déjà comme je le disais tout à l'heure, les jeunes, et par c'est plus facile de chanter My Baby, Where is My Baby, ou fuck you, I love you, I love you, fuck you, or My Baby, Where is My Baby. Je caricature un peu, mais je veux dire, c'est quand même plus facile de chanter des trucs, même si on chante n'importe quoi en anglais, ça va plus ou moins déjà sonner à l'oreille. Et puis comme les gens en général n'écoutent pas les paroles, ça glisse un peu comme une peau de banane sur un trottoir mouillé. Mais en fait, quand on décide de s'exprimer en français, le français, il porte une richesse. La langue française, elle porte une richesse d'associations d'idées, de mots, un peu comme la langue russe d'ailleurs, qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus expressives. Et je me rappellerai toujours, j'avais une vieille prof de chant américaine à Genève. Je prenais des cours chez Lorna Michelson, elle est plus là maintenant. Et c'était une jazz woman absolument fantastique qui avait roulé sa bosse du Minnesota à Beyrouth. Et Lorna, elle me disait « Sing in French », parce qu'à l'époque, évidemment, comme tous les jeunes, j'avais essayé de chanter en anglais. C'est une langue que je parle, que je pratique, etc. Et puis, elle aimait pas ça. Elle me disait, well, you know, I'm not convinced about your accent. Comme ça, je suis pas tellement convaincu de ton accent. Puis elle me disait, mais sing in French. Et puis, ce qui m'avait vraiment donné l'input pour que je décide de prendre ce parti de la langue française dont vous parlez, Chris, c'était qu'elle m'avait dit, when you sing in French, you are kind of expressionist. Something like Jacques Brel. Alors là, elle m'a dit, quand tu chantes en français, t'es une sorte d'expressionniste, un peu comme Jacques Brel. Et alors là, le fait qu'elle cite Brel, moi j'avais 24, 25 ans, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché, parce que j'aimais beaucoup cette énergie de Brel, cette énergie des mots, ce regard habité comme ça quand il chantait. C'était pas mon idole, parce que j'étais déjà deux générations après Brel, mais j'étais conscience qu'avec Brel, on était quand même devant j'avais conscience qu'on était devant un très grand bonhomme. Et alors, le fait qu'elle me dise, tu es une sorte d'expressionniste, je m'étais dit, mais oui, mais en fait, un, il faut chanter en français, et deux, faut pas chanter de manière cynique, l'air de pas y toucher, comme ça. Faut être 100% dedans, et si on est 100% dedans, les auditeurs, ils le sentent. À l'autre bout du tuyau, les auditeurs qui sentent qu'un chanteur, il est impliqué, ça les touche, même s'ils aiment pas forcément le style de musique, ou même s'ils écoutent du rap et que le chanteur fait autre chose, mais l'authenticité est toujours reconnue par l'auditeur. Oui, et justement, vous citez Jacques Brel, car je peux dire que qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, il faut bien reconnaître, comme vous le dites, que c'était un grand homme de la chanson française. Tout le monde connaît Jacques Brel. Ben oui, parce qu'il maniait justement cette poésie dont vous parliez, Chris. Il maniait cette poésie à merveille, et puis cette poésie, la poésie française et la langue française en général, bah, elle va au-delà des accents, elle est au-delà de l'accent suisse ou de l'accent du nord ou de l'accent du sud de la France ou de l'accent québécois ou de l'accent africain pour ceux qui parlent français en Afrique. Elle est au-delà de ça. Moi j'ai découvert, j'avais peut-être 30 ans, Aimé Césaire, le fameux poète noir, c'est des poèmes fantastiques, c'est d'autres cultures, mais la langue française dont il se sert pour véhiculer son ressenti, c'est absolument brillantissime. Bien sûr. Ensuite, j'ai également vu, et je l'ai ressenti en écoutant votre album, en préparant cette émission, que dans vos titres, il y a donc de la chanson française, mais avec un petit peu de rock, de spoken words, comme on dit en anglais, et même quelques influences électro. Donc ces différents styles mélangés, est-ce un choix de votre part, ou est-ce que ça s'est présenté à vous un peu comme une évidence? Alors, c'est à la fois une évidence ancrée dans l'époque qu'on traverse, ça c'est sûr. Je me suis essayé en 25-30 ans de carrière, je me suis essayé à beaucoup de styles. Mais je suis toujours resté rock, fidèle au rock, mais je veux dire, dans les différentes mouvances du rock, je me suis essayé à beaucoup de styles. Mais ça m'est apparu comme une évidence à la fois par rapport à l'époque, et puis à la fois sur le fait que même si ça ne marche pas, même si on n'est pas mainstream, c'est-à-dire le courant actuel, c'est pas grave. L'important, c'est de délivrer un travail artistique qui est novateur, qui qui est le plus novateur possible, tout en gardant les valeurs, les choses qui nous sont chères. Mais c'est important de délivrer quelque chose qui ne s'est pas déjà fait, parce que j'ai plein d'amis qui font de la musique, et d'amis aussi, et les gens ont tendance à toujours faire un peu ce qui a marché, ou ce qui marche, ou ce qui marche, et puis à rester comme ça dans le courant et à pas prendre de risques. Et moi je trouve que un travail artistique, on doit prendre les risques, parce qu'on n'aura pas la chance deux fois. L'album Mystic Senior, j'ai pas un deuxième essai pour vous dire rien ne s'oppose, ouais j'ai fait cette chanson mais finalement je l'aime plus tellement, donc bon c'est pas grave, je vous ferai un album bis bientôt. C'est pas comme ça que ça marche. Faire un album, produire, aller en studio, c'est un travail de longue maturation, et c'est compliqué, ça coûte de l'argent, et donc on n'a pas le droit à une seconde chance. Mais il faut oser, et là sur l'album numéro 4 qu'on est en train de préparer, on ira enregistrer pas très loin de chez vous, on ira à Bruxelles enregistrer cet automne, eh bien on va prendre des risques, on va faire encore quelque chose toujours dans l'électro-rock, mais quelque chose d'un peu différent. Je pense que ça, c'est un artiste, il doit prendre des risques, il doit délivrer quelque chose un peu out of the box. Sinon, c'est pas la peine. On est comme des millions d'autres. D'accord. Et également, est-ce que vous diriez que vous êtes en quelque sorte un chanteur à texte qui cherche à faire naître l'émotion chez l'auditeur et à faire, pourquoi pas, réfléchir l'auditeur ? Ah, complètement. Complètement. Je suis triste, je suis complètement d'accord. Je vous félicite parce que je suis complètement d'accord. Merci. Avec cette définition. J'essaye évidemment de provoquer une émotion et disons une réflexion. Et de se dire, ouais, ben, ok, ah ouais, tiens, ah, il voit les trucs comme ça, ah, mais ouais, finalement, ah ouais, c'est pas, ben ouais, pourquoi pas. Et je trouve que ça aussi, c'est le rôle de l'artiste, comme devant une peinture. Une peinture, aujourd'hui, les galeries d'art sont bourrées de peintures où vous les regardez, vous voyez pas grand chose. Certains pensent, certains artistes contemporains, ils pensent que voilà, de rester de très, comment dire, en retrait. Alors il y en a d'autres au contraire qui sont très impliqués, qui choquent, qui cherchent à choquer, mais toujours avec la même idée, c'est de réveiller la conscience collective, de réveiller la personne qui regarde la toile. Et moi, je veux réveiller les oreilles des auditeurs. Enfin, j'aimerais bien, c'est peut-être prétentieux, mais j'aimerais bien réveiller les oreilles de certains auditeurs, si je pouvais, ouais. D'accord. Donc, il est 14h29, je vous propose, avant de poursuivre, de nous poser quelques questions avec votre morceau numéro 5, du coup, de l'album Mystic Senior, morceau intitulé, justement, des questions. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau ? Ça me va bien. Okay. Non, là, pour ceux qui veulent, il y a un clip qui est sur YouTube, et voilà, qui est aussi très sympa, qui pose des vraies questions. D'accord. Donc, on écoute justement des questions de votre album Mystic Senior, et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite. Des questions. Et je me demandais encore qui me prenait pour un con, et ces foutues questions à la fin devenaient bidons, et c'est moi corps défendu qui plongeais vers le fond. J'ai fixé le plafond des bas-fonds, dans ce rade minable où stagnaient des nulons prétentieux à mourir. Je les écoutais rire, entourés de gonzesses hilares à gros nichons, et je me suis dit sans rire, c'est pas vrai, c'est ça ta vie. Il y a des cieux à pâlir, des beautés en délire, et les soleils de l'amour, les planètes qui tournent autour. Faut toujours apprendre à voir plus loin que son fion. Je me posais des questions. Des questions. Et je te disais, t'inquiète, on est des millions à se poser des questions depuis les origines. Dans le grand accélérateur de particules et de sons, je touchais le plafond, le plafond des bas-fonds, dans ce rade minable où stagnaient des nulons, prétentieux à mourir, je les écoutais rire, entouré de gonzesses, hilar à gros nichons. Tu te posais des questions, des questions, des questions, des questions. Des questions. Quoi, bordel? Pourquoi? Pour toi? Pourquoi? Des questions. Pourquoi? Pour toi? Des questions. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h32, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogamozo.radio-website.com/ partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter Sam Franck Blunier avec son morceau intitulé Des questions et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Sam Franck Blunier justement qui est là pour nous parler entre autres de son album intitulé Mystique Senior. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Sam Franck? Absolument, absolument, Chris. Je vous remercie pour votre pertinence. J'espère que les auditeurs ont du plaisir. On voit qu'il y a un vrai travail derrière et je vous félicite pour ce travail de recherche. Et voilà, on est plongé tous ensemble dans le grand accélérateur de particules et de sons, comme je le dis dans la chanson qu'on vient d'écouter. En effet. Et donc justement, même question que pour la première chanson que nous avons écoutée un petit peu plus tôt. Que souhaitez-vous raconter à travers ce titre, Des questions? Alors en fait, c'est un peu du vécu. Hein. Je me retrouve un jour dans un bar où je suis seul, et je m'ennuie énormément et puis... Je vois des gens pas très distingués, un peu comme ça, bébêtes, qui ricanent bêtement sous l'effet de l'alcool et d'autres substances. Et c'est vrai que je me suis dit, mais mince, finalement, la vie, elle nous appelle à autre chose. Elle nous appelle notamment à nous poser des questions. Et il est venu l'idée de cette chanson et je la traite en fait à la première personne parce que je veux impliquer personne, je veux entraîner personne avec moi, mais je me dis juste, bah voilà, je me pose des questions dans le grand accélérateur de particules et de sons, mais finalement c'est quoi, c'est où, on va où, on fait quoi, comment va le monde, est-ce qu'on n'est pas en train de dérailler complètement, enfin voilà, c'est ce questionnement-là que j'avais envie de souligner dans ce titre, quoi. Sous une musique assez rythmée, un peu comme ça, qui groove quand même, avec du gros son derrière. Et voilà. C'est là, pour le moment, je sais pas, difficile à dire si c'est la chanson qui a tiré le clip ou si c'est le clip qui a tiré la chanson. C'est toujours l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf. Mais c'est la chanson qui actuellement a le mieux marché sur YouTube, puisqu'on tutoie bientôt les 400 000 vues. Ah oui, quand même. Ouais, on est à, je sais plus, 378 000, un truc comme ça. D'accord. Et donc justement, dans cet album Mystique Senior, est-ce qu'il y a une part biographique, voire autobiographique? Alors, tout mon travail est autobiographique. Hein. Moi, je suis un très mauvais... J'ai beaucoup d'imagination, mais pas pour la musique. C'est-à-dire, enfin, oui, pour la musique, mais pas pour mes textes. La plupart de, je pourrais dire que 90% de ce que j'écris dans tous mes albums, c'est autobiographique. C'est des choses que j'ai vues, qui me sont arrivées, c'est des galères que j'ai traversées, c'est des belles choses aussi que j'ai reçues, des moments de joie absolue et de foi totale. Mais ça transparaît, c'est assez autobiographique, ouais. Ma démarche est telle, en tout cas. D'accord. Et donc, j'ai également vu, et comme nous en avons parlé un petit peu plus tôt, que vous aimez vous lancer des défis et des challenges, et que donc c'est pourquoi vous vous êtes lancé en 2015, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, dans une pentalogie, dans une saga rock intitulée The Five Album Concept, que l'on pourrait traduire en français par le concept 5 albums. Donc, parlez-nous un petit peu de cette saga rock. Alors bon, bah, en 2015, j'ai 50 ans, bien tapé, je me suis dit, il faut finir, faut faire un truc un peu fou, qui me dépasse un peu. Alors d'abord, on était parti avec mes amis musiciens, on était parti sur une trilogie, et finalement, on trouvait ça trop facile. Et il nous est venu comme ça, en train de discuter autour de la table, du projet et tout, de Five Album Concept. Il faut dire qu'assez vite, on a eu l'idée des 5 albums. Hein. Donc le premier album, peut-être je le dis pour les auditeurs, c'est un gros plan où j'ai un tatouage de soleil qui part depuis l'œil gauche et qui irradie sur toute la face. Le deuxième album, j'ai un bikini slip et soutien-gorge tatoué sur la gueule. Et le troisième album Mystic Senior, dont on parle, j'ai un espèce de code-barre sur la figure. Et les deux autres, je ne vais pas vous les livrer ici, c'est un peu le secret de fabrication, bien on sûr. Le verra au quatrième. Mais les deux autres maquillages, les deux autres symboles des deux derniers albums, ils sont déjà faits. Ils sont déjà faits depuis le début. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette idée de Five Album Concept, où c'était vraiment une pentalogie, ce qui ne s'était jamais fait. Et alors, ce qui est assez ambitieux, ce qui est un peu prétentieux pour un mec qui n'est pas connu, mais en même temps, c'est aussi ce qui nous a démarqué par rapport aux médias et aux journalistes. D'accord, donc justement, sans trop en dire, pour garder le secret de fabrication, comme vous dites, les deux prochains épisodes, on va dire le quatrième et le cinquième, ça sera un peu dans le même style avec différents maquillages comme pour les trois précédents épisodes. Exactement. Ouais, exactement. Ils sont même déjà faits. Hein. Les photos étaient déjà faites. C'était shooté en même temps, donc pour la cohérence de la lumière, pour les maquilleuses, pour plein de raisons. Et donc, ce sera dans cette veine-là, avec les chansons adéquates qui correspondent à la tonalité des albums, ouais. De chaque album. D'accord. Et donc, d'ailleurs, dans cette pentalogie, nous retrouvons tout votre univers particulier, dans le bon sens du terme, bien sûr, poésie à l'esprit blues et au tempérament rock, où les guitares sauvages se frottent aux sonorités électro pour mieux déclencher en nous de sublimes et insoupçonnées images, de magnifiques sensations et des émotions fortes auxquelles on cède avec délectation. Là aussi, c'est vraiment tout ça que vous souhaitez transmettre ? Oui, complètement. Bon, là, je travaille, je peux les saluer au passage, avec Blaise Magnona à la batterie, Philippe Martin à la basse, Antonin Vizère aux guitares et clavier. On a vraiment envie de chercher dans chacune des chansons qui sont déjà écrites, déjà composées, mais dans l'arrangement de chacune des chansons du prochain album, de rechercher ces émotions-là, cette douceur ou cette violence parfois. Et surtout que essayer un peu d'accrocher les oreilles, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, la musique, elle soigne de partout. Elle soigne des plafonds des supermarchés, elle soigne de nos autoradios, elle soigne de nos casques Bluetooth. Donc c'est pas facile d'accrocher les oreilles. Mais je pense qu'on peut y arriver. On peut, en travaillant bien, c'est chose possible, ouais. D'accord. Et donc, comme nous le disons depuis le début de cette émission, cet album, cet titre Mystic Senior, c'est donc le troisième épisode de cette pentalogie. Et, car avant, il y avait Il fait beau en 2015, là où vous aviez le maquillage soleil, et Défi en 2016, là où vous aviez le maquillage soutien-gorge, culotte sur le visage, pareil. Donc, cet épisode Mystic Senior est plus mystique, justement, et explore des chemins plus spirituels et plus profonds, ce qui diffère, des deux précédents épisodes. Donc, pourquoi avoir fait ce choix de changer de thématique? Alors, je pense pas que c'est un changement de thématique, Chris. Je pense que c'est une continuité. Je pense que, déjà, je suis porté, je me sens porté par des forces qui me sont données, parce que voilà, c'est pas évident de se lancer dans un truc comme ça. C'est comme un nageur qui se lancerait dans la traversée de la Manche. Si le mec il a jamais nagé, puis qu'il n'est pas porté, puis qu'il n'a pas un peu de chance, quand il va traverser le rail d'Ouessant, il va se prendre un pétrolier dans la gueule, et puis sa traversée elle sera un peu interrompue. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut aussi que le surnaturel, faut aussi que le divin s'en mêle pour nous soutenir, pour nous porter dans nos projets, quels qu'ils soient. les projets de recherche d'un appart, les projets de recherche de, d'un mieux-être dans sa vie, les projets de recherche d'un nouveau boulot quand on s'est fait virer. Voilà, moi je pense qu'on a besoin de cette énergie-là, cette énergie du divin pour avancer. Et en fait, cet album Mystique Senior, c'est juste une continuité parce que j'avais envie de rendre hommage au divin par rapport à l'ensemble de mon travail. D'accord, donc justement cet opus Mystique Senior, comme vous l'avez dit, s'attarde davantage sur la spiritualité, la liberté, l'au-delà, la fragilité, l'amour. Donc, exactement. J'imagine que ouais. Ce sont vraiment des thèmes et des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous parlent vraiment beaucoup. Ouais, bah c'est vrai, vous savez, voilà, en 2018, ma femme, ma compagne, mon amante, qui est la même personne que je connais assez tôt, a malheureusement contracté un cancer dont elle s'est sortie. Mais c'est vrai que quand on traverse ce genre de choses, on se rend compte de la fragilité de l'existence, on se rend compte de la fragilité de la vie. Et ça m'a inspiré la chanson qui est sur l'album Fragile, précisément. Mais voilà, quoi, ça fait partie un peu de... On reçoit tous des tickets, comme au départ d'une fête foraine, on reçoit tous une barbe à papa et deux tickets pour les attractions et les carousels, mais on ne sait pas si on va aller sur un voltigeur sympa, bien sûr on va finir sur des montagnes russes ou dans un train fantôme, hein. C'est un peu ça l'existence, ça ressemble à ça, une loterie en fait. D'accord, et donc justement j'ai également lu, grâce au dossier de presse que m'a gentiment envoyé Géraldine, que ici dans vos morceaux on refait le monde avec des vagues d'amour, passé, présent et futur. On invite la joie dans notre cœur avec l'espoir de voir revenir tous ceux qui un jour ont fui, parce qu'ici et maintenant rien ne s'oppose à ce que la beauté de la vie nous subjugue. Ici on sait que le verbe justement est plus important que nous, plus grand que tout comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui permet d'exprimer le plus crûment ses pensées les plus profondes, les plus folles. Donc dans vos morceaux, dans cet album Mystique Senior, est-ce que vous avez cette volonté d'attirer, on va dire, les bonnes vibrations à vous et de toujours voir le bon côté des choses? Alors ça c'est capital. Moi je suis vraiment optimiste de nature. Je pense qu'il faut absolument le rester. Et quoi qu'il nous arrive dans l'existence, il faut essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours facile, d'en voir le côté lumineux. D'accord. Donc il est 14h44. Avant d'aller plus loin à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de votre album, histoire de reprendre notre souffle et pourquoi pas de nous hydrater, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 2 de cet album, morceau intitulé Le Verbe, dont on parlait juste avant, la version radio-édite. Donc on écoute ce morceau, Le Verbe, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. On m'a dit bombe, j'ai dit la honte. On m'a dit soir, j'ai dit soleil. On m'a dit ombre, j'ai dit peut-être. Mais la vie comme nul autre, pareil. On m'a dit fou, j'ai dit debout. On m'a dit cours, j'ai dit amour. On m'a dit laisse, j'ai dit des clous. On m'a dit libre, j'ai dit surtout. Le verbe est plus important que nous. Le verbe est plus important que tout. On m'a dit peur, j'ai dit sans doute. On m'a dit cœur, j'ai dit très gros. On m'a dit fric, j'ai dit je m'en fous. On m'a dit cirque, j'ai dit kikou. On m'a dit clown, j'ai dit peut-être. On m'a dit vroom, j'ai dit lunettes. On m'a dit frime, j'ai dit parfois. On m'a dit j'aime, j'ai dit moi pas. Le verbe est plus important que nous. Le verbe est bien plus grand que tout. Plus important que nous, le verbe est bien plus grand que tout. On m'a dit gauche, j'ai dit tout droit. Et si tu me demandes avec toi, on m'a dit moche, j'ai dit tant mieux. On m'a dit croche, j'ai dit fuck off. Le verbe est plus important que nous. Le verbe est bien plus grand que tout. Le verbe est plus important que nous. Le verbe est bien plus grand que nous. Sam Franck Blunier avec son morceau Le Verbe sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone, bien sûr, de Sam Franck Blunier, justement, qui est là pour nous parler de son EP, de son album plutôt, 7 titres, Mystique Senior. Tout est toujours beau pour vous, hein? Tout est toujours bon pour moi. Je pensais à cette phrase de Ferré dans Les Poètes, parce qu'on parlait tout à l'heure, Chris, de l'importance de la langue française et des poètes. Et puis c'est vrai que quand Ferré il dit leurs âmes est en carafe, leurs âmes sont en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Et c'est vrai que voilà, faire des bouquins, faire des disques, c'est mettre aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans des projets un peu chimériques, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, moi, je connais plein de jeunes et j'ai rien contre, hein, mais qui s'amusent à des loteries sur Internet, qui jouent au poker sur Internet, perdent des sommes considérables, qui mettent leur argent dans essayer d'acheter et de revendre du Bitcoin. Et puis il y en a qui écrivent encore des bouquins et qui font encore des disques parce qu'ils pensent qu'on peut changer le monde et je pense que je fais partie de ceux-là, ouais. Alors c'est peut-être utopique, hein, je suis peut-être un incorrigible utopiste, mais je pense que les mots peuvent réellement changer les choses quand ils sont bien dits. Quand on raconte pas trop de conneries aussi. D'accord, donc c'est justement ça que vous racontez, que vous souhaitez raconter dans votre titre Le Verbe. Dans Le Verbe, je parle des mots, mais encore une fois, je parle de. C'est une chanson surtout qui est ouverte sur la vie, hein. Voilà, quoi. À un moment donné, c'est une chanson qui parle de la vie, des mots, du regard des autres, tout ce qu'on nous dit de faire, et puis qu'on a l'impression de faire de travers ou qu'on fait jamais assez. On vit dans une société qui nous demande toujours plus. Et à un moment donné, moi je me révolte là contre et je dis, on m'a dit moche, bah j'ai dit tant mieux. On m'a dit croche, allez vas-y croche, j'ai dit fuck off, parce que je suis comme je suis et puis merde à la fin, quoi. Et c'est une chanson d'un homme libre. Le Verbe, c'est une chanson qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, rapport au verbe avec V majuscule à la parole, qui fait que les hommes sont un peu moins sombres et un peu plus lumineux. Quand ils s'intéressent à la fois à la poésie et puis à leur propre verticalité, mais c'est aussi une chanson d'un mec libre, quoi, qui s'en fout d'être un clown, qui s'en fout d'être un saltimbanque, qui s'en fout d'être un vanu-pied, qui s'en fout de pas avoir d'argent pour faire tout ce dont il aurait rêvé, comme des millions que nous sommes, mais qui est un mec libre. Et ça c'est la chanson de Verbe. Si on écoute bien les paroles, c'est ça, quoi. D'accord. Et puis ça commence aussi par une révolte. Hein. Quand je dis on m'a dit honte, on m'a dit bombe, j'ai dit la honte, on m'a dit soir, j'ai dit soleil. Ben voilà, c'est l'incorrigible, l'incorrigible optimiste que j'espère être. D'accord. Ensuite, quand je reçois des chanteurs et des chanteuses dans mes émissions, j'aime beaucoup poser cette question et nos auditrices et auditeurs sont habitués. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour créer cet album, ce troisième épisode, on va dire de A à Z, de l'écriture des textes à la commercialisation? Alors, c'est simple, on a sorti Défi en 2016, on l'a lancé en Suisse, après on allait faire un vernissage en Belgique, c'était le mois d'août 2016. Et on avait déjà commencé à bosser, j'avais déjà commencé à bosser sur les chansons de l'album Mystic Senior. Et j'ai commencé à enregistrer les premières maquettes, c'était le printemps 2017, pour un album qui est sorti en 2020. Donc je dirais 3 ans. D'accord. Pour répondre. D'accord. Et ensuite, je pose toujours, ou presque, cette même question, car elle me paraît nécessaire et intéressante. Avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous, dont on ne citera pas le nom, est-ce que c'est pas trop compliqué pour vous afin de vous faire encore plus connaître? Alors, c'est une véritable sinécure. Hein. Mais je ne suis pas le seul, donc je ne vais pas me plaindre. Je suis plutôt bien loti. Il y a des gens qui comptent sur des spectacles de rue ou des spectacles vivants dans des théâtres et tout pour manger. Moi, c'est pas mon cas, mais c'est horrible. Ça nous a tous freinés, ça nous a tous flingués, ça a tout ralenti. Il y a 2 semaines de ça, 10 jours, il y avait le festival, le fameux festival à Montreux, là, à côté de chez nous, à Lausanne, en Suisse. Il n'y avait pas de scène off cette année. Il y avait des gens confirmés, mais il y avait peu de public. Enfin, tout était cadré, enfin, etc. Donc c'est très difficile, quoi. C'est très difficile. On a eu la chance en 2020. On a pu faire de la tournée qu'on avait prévue, la mini tournée qu'on a prévue. On a pu faire 7 concerts. On a passé entre les gouttes, comme je le disais, à Paris les 5 et 6 mars, juste avant le lockdown de Macron, de Monsieur Macron, le 13 mars. Après, c'était un long dimanche jusqu'au mois d'août. En août, l'année passée, on a pu faire 2 concerts. Et puis après, c'était de nouveau le lockdown partout, quoi. Donc c'est vrai que c'est terriblement difficile. On n'a jamais connu ça parce que raison de plus, j'ai envie de dire, pour résister. Et raison de plus pour pas essayer de faire du mainstream, puis pas essayer de concurrencer des mecs sur YouTube qui font des milliards de vues parce qu'ils ont fait telle ou telle recette. Moi, je pense que c'est au contraire plus que jamais le moment d'être soi-même et plus que jamais le moment de défendre ses propres valeurs, des valeurs qui sont humanistes, quoi. C'est très important, mais ça n'a jamais été, pour vous répondre, Chris, ça n'a jamais été aussi dur. Parce qu'on n'a jamais vendu aussi peu de disques physiques. Alors, vous me direz, oui, mais on trouve tous mes albums sur Spotify, hein, il n'y a pas de problème, ou Deezer, ou d'autres plateformes. Oui, mais il faut un million de streaming pour faire 400 euros. Donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, qu'on en est loin. C'est très très compliqué, ouais. Donc c'est dur dans la vente de disques, c'est dur au niveau des concerts parce qu'il y a le Covid, machin, on a de la peine à pouvoir aller jouer. D'ailleurs, on adorerait avec mes potes venir jouer dans votre région. Donc si des gens, même avec des petites salles de 50 personnes, hein, m'entendent aujourd'hui à la radio, ben, je lance un appel. On adorerait venir dans votre région jouer et contrairement aux idées reçues, on est bien rock'n'roll, on a un bus, un minibus, on se déplace avec le perfecto et les instrus, donc on coûte le show coûte pas cher. Voilà, j'ai passé le message. Et donc justement, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, donc si nous voulons nous procurer cet album Mystic Senior et même vos albums précédents, comment pouvons-nous faire? Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site internet Sam-Franck Blunier, vous tapez Sam-Franck Blunier, B-L-U-N, comme Nicolas, I-E-R, 5, et on tombe sur le site internet 5 Album Concept, il y a une page de contact avec un mail, vous envoyez un email à office@sabina.ch, office comme le bureau en anglais, office@sabina.ch, et on vous envoie l'album avec un IBAN et un tarif préférentiel. Vous avez l'album pour 10 euros, prix des poètes. Voilà. D'accord. De toute façon, je mettrai tous les liens nécessaires en podcast de cette émission demain dans la journée. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ben, bonne chance qu'on sorte de cette pandémie déjà pour qu'une vie pseudo-normale reprenne le dessus et pas, à mon avis, l'erreur qu'ils sont en train de faire en Angleterre en se montant à eux-mêmes, hein, en disant « Ah ouais, tout est fini, youpla boum, on ouvre les discothèques à minuit, c'est la fête et tout », parce que comme ça, on n'y arrivera pas. Mais il y a un juste milieu entre la déglingue et puis pouvoir retourner simplement s'asseoir dans une salle de théâtre ou dans une salle de concert. En effet, donc voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que ça aille mieux pour vous et même pour les autres artistes qui nous écoutent, de pouvoir reprendre les concerts. Ouais, je souhaite bonne chance à tous mes amis artistes et à toutes les chanteuses et tous les chanteurs qui sont méritants, que je ne connais pas, et qui ont besoin de ce coup de pouce de tout le monde. Voilà. Bien sûr. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Sam Franck, d'avoir accepté mon invitation. Merci Chris, merci à vous, et puis meilleures salutations à toutes les auditrices et les auditeurs. Voilà. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail, pourquoi pas, si vous voulez la récupérer. Volontiers. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec la rediffusion d'un autre programme proposé par Radio Gemozo intitulé Memento Mori d'ici quelques minutes à 15h. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai un autre chanteur. Oui, cette semaine, c'est tous des chanteuses. Ou des chanteurs, un chanteur appelé L'Orage, chanteur qui nous parlera notamment de sa carrière. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Bye bye.